conception sa yo science a galopé. Ou si a fin couvri, bel ti pied flè nou yo. Pour le bon zéphon, on a oui. Sous do Haïti, do ma. Voyez, ti vrai Joe. Nous avons séché, tout petit bête, nous avons mis toutes les bois tombées. Je veux la sirène, mais je te non, non, mais voyez, ti vrai Joe. Soleil a piché, et ti moun, yo boule, boyo vin, vin, ouais. Haïti, nous, mais Dieu, nous t'aimons des grâces. Salim le vélo.